Alors, vous jureriez que le son monte à l'infini, n'est-ce pas? Mais c'est impossible. Vous le savez bien, puisqu'il s'agit du même morceau, répété encore et encore. De quoi vous rendre dingue comme ce pauvre Ulysse attaché à son mât? Cette illusion sonore s'appelle la gamme de Shepard. Elle va du grave à l'aigu, comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'où vient l'illusion alors? Eh bien, pour fabriquer cette gamme, j'ai associé à chaque fois deux notes, l'une aiguë et l'autre grave, par exemple. Au début, on entend deux do, séparés par une octave. En clair, ça veut dire qu'ils appartiennent à deux gammes qui se suivent, l'une grave et l'autre plus aiguë. J'ai procédé exactement de la même façon pour ré, mi, fa, etc. Mais il y a une petite astuce. Au fur et à mesure qu'on monte en gamme, je me suis débrouillé pour que les aigus aient un volume de plus en plus faible. Pour les graves, en revanche, j'ai fait en sorte qu'ils soient de plus en plus forts. Résumons. Le do d'entrée de gamme a une partie aiguë forte et une partie grave faible. À l'inverse, à l'autre bout de la gamme, le si aigu a un volume faible et le si grave un volume fort. Résultat, le si de la fin va sembler plus grave que le do de la gamme suivante. Du coup, quand on repasse la gamme de Shepard, on a l'impression qu'elle monte dans les aigus indéfiniment. Magique, n'est-ce pas?